Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La définition du mot préquel, on pourrait dire flashback, mais on serait pas très précis, ni juste. Le préquel raconte les origines d'un personnage déjà connu des lecteurs ou des spectateurs. Harry Lime, le troisième homme, avait vécu d'autres histoires, moins sombres, plus proches de celles que l'on rencontre dans des films d'action sans grande psychologie des années 50. Harry Lime a, pour nous, un accent américain. Oui, les personnages américains parlent entre eux en français. Les auditeurs sont français, mais avec un accent charmant, enfin l'accent des doublures des films d'époque. L'Espagne est une Espagne de cartes postales. Harry est qualifié d'éblouissant par une poupée aux yeux jaunes, comme les chats en ont. Et il y a des punaises dans le beurre et il y a aussi des épines dans la corde à nœuds. Les aventures de Harry Lime, une aventure en haute mer, première diffusion sur Paris Inter le 24 octobre 1951. Diffusion française présente, écrit par Orson Welles, adapté et traduit par Maurice Bessy, réalisé par Jean Chouquet, accompagné par une musique d'Anton Carras, interprétée à la cithare par l'auteur, La Toison d'or, deuxième épisode des aventures de Harry Lime. Harry Lime, l'aventurier cynique. Harry Lime, l'homme qui nargue les polices du monde entier. Harry Lime, le troisième homme. Ah, cette fois, c'est pas une histoire pour rire, c'est une histoire vécue. Autant où je bourlinguais autour du monde. Et j'ai bien cru qu'il allait mettre un point final à toute la série de mes embêtements. Mais dites-moi, avez-vous jamais rencontré une fillette aux yeux jaunes? Non? Ça vaut peut-être mieux. Eh bien voilà, vous le prendrez comme vous voudrez, mais c'est pas une histoire comme les autres. Elle commence par une course de taureaux et elle finit par une bataille navale dans les mers de Chine. Avec une jolie fille tout au long du voyage, vous vous en doutez. Un autre verre? Et pour vous tenir compagnie. Garçon, deux jeans 15 pattes. Bien, sahib. Deux jeans 15 pattes. Mon histoire se passe à Algeciras, en fin fond de l'Espagne. Ça vous explique pourquoi il y a une plaza de toros. Je ne sais pas si vous aimez les courses de taureaux, mais si vous prenez l'air un dimanche en Espagne, il est bien difficile de ne pas s'y intéresser. La corrida est pour l'Espagne ce que l'opéra est pour l'Italie. C'est la seule chose qui commence à l'heure dans ce pays. Pour avoir dit deux mots à un plat de coquillages et un tonneau de bière, j'avais raté le début. J'arrivais pour la seconde faena, comme ils disent. Soldadito fit son entrée dans l'arène. Il était jeune alors et plus téméraire qu'aujourd'hui. Mais il ne m'a jamais emballé. Je n'aime pas les types qui dansent au lieu de se battre. Mais ne nous égarons pas. Je pourrais parler corrida toute la nuit et je vous ai promis une aventure de haute mer. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Soldadito dédie son taureau et c'est à la dame assise auprès de moi qu'il s'adresse. Je la regarde. Ah, mon coup d'œil claque des dents. Une brune avec une peau comme de l'ivoire et des yeux brillants, des yeux jaunes. Oui, je dis bien jaunes, comme des yeux de chat. J'aimerais bien ne pas insister, mais c'est impossible. Une fille comme elle ferait s'arrêter en pleine course les concurrents des 24 heures du Mans. Le matador s'incline devant elle, lui lance son bicorne comme le veut la tradition, et se dirige vers le taureau dans la piste ensoleillée, dès ce moment où la corrida ne m'intéresse plus. Seigneur, vous devriez regarder en direction de l'arène. Pardon? Vous me fixez avec une obstination qui me flatte. J'adore être un point de mire, mais... Ne croyez-vous pas que vous manquez de respect à votre ami Soldadito? Je ne suis pas mon ami. Et s'il est de vos amis, señorita, autant vous déclarer que je le considère comme un ennemi. Oh. Il est plein de charme, n'est-ce pas? Quelle délicatesse dans l'élocution. Ah, ce n'est pas écouté. Je ne parle pas de lui, mais de vous. J'aime beaucoup vos états d'âme envers mes amis. J'adore les hommes qui se battent pour moi. Señorita, me battre pour vous serait un plaisir. Quand dois-je commencer? Quand il vous plaira. Mais pourquoi pas tout de suite? À qui dois-je m'attaquer, à l'homme ou au taureau? Ah, je ne pense pas que le taureau vous embarrassera bien longtemps. Voyez, Soldadito va donner l'estocade. Belle mise à mort, n'est-ce pas, monsieur? Et quel est donc votre nom? Lahem. Harry Lahem. Oui, belle mise à mort. Eh, je vous appellerai Harry. Le taureau s'est agenouillé devant lui comme un pénitent, comme s'il implorait son pardon. J'aurais préféré voir les rôles inversés. Déjà jaloux? J'adore ça. Néanmoins, il faut reconnaître la réussite de cette mise à mort. À propos, Harry, que faites-vous à Algésiras? Je jette un coup d'œil. Sur quoi? Je viens de trouver. Ah, vos réponses sont délicieuses, j'adore ça. Quelle est votre profession? Export, import, je fais des affaires. Dommage. Pourquoi? J'aurais juré que vous étiez un marin. J'ai été marin. Vous préférez? Il vous faudrait avoir votre brevet de capitaine. Je suis ici à bord de mon yacht. Peut-être l'avez-vous aperçu dans le port. Le grand trois-mâts à coque noire? Exactement. J'ai perdu mon capitaine, disparu subitement. Je regrette que vous ne soyez pas capitaine de bateau. Je vous imagine très bien avec un uniforme bleu, avec des boutons dorés. Vous ne me croirez pas, mais j'ai vraiment été capitaine. Non, je ne vous crois pas. Même si je vous montre mes papiers? Montrez. Je les ai laissés à Barcelone. Nous levons l'ancre demain. Mais parfait, parfait, je les aurai. On me les apportera par le train de nuit. En d'autres termes, vous voulez que je vous engage? Non, en d'autres termes, je me considère comme engagé. Emploi, elle le savait. Je ne dirais pas qu'elle n'avait pas un faible pour moi, mais ce qui est certain, c'est qu'à cette époque, je manquais autant de beurre que d'épinards. Je téléphonais à un ami de Barcelone, un faussaire de métier. Il s'engagea à me fournir pour le lendemain de faux papiers tout ce qui est plus authentique. Je passais ma plus belle chemise, l'autre, et me dirigeais vers le meilleur restaurant. Elle m'avait dit s'y rendre après la corrida. Ah, je m'excuse, mais je m'aperçois que j'ignore votre nom. Vous ne connaissez pas les noms de madame? Vous connaissez Soldadito, naturellement. Bien entendu, il me connaît, toute l'Espagne me connaît. Mais que fait cet individu à votre table? Il ne vous connaît même pas. C'est très facile à arranger ça, mon vieux. Faites les présentations. Seigneur, je vous demande de prendre congé. Oh, allons, mon petit. Quel est le nom de madame? Vous me provoquez. Vous croyez? Vous n'êtes qu'un sale porc d'Américain. Et je vous crasse au visage. Ah, j'adore les hommes qui se battent pour moi. Ah, chérie, vous n'assisterez même pas à une bataille. Oh, Harry. Harry, vous avez été éblouissant. Très supérieur à ce qu'il a été cet après-midi. Ressemble-t-il à un pénitent implorant son pardon? Je ne pense pas qu'il soit capable de poser la moindre question avant un bon bout de temps. Peut-être pourriez-vous maintenant me révéler votre nom? Je suis la baronne Nadia von Koenigwald. Appelez-moi Nadia. Ok, Nadia. Voulez-vous changer de table ou préférez-vous que les garçons fassent le ménage? Le lendemain matin, j'avais dans ma poche mes faux papiers et mon engagement. L'ennuyeux, c'est que ma carrière de navigateur se limitait au boulot de débardeur auquel j'avais été contraint une fois entre Naples et Alexandrie. Mais j'avais besoin de cet engagement. Et pour un plongeon dans ses yeux jaunes de chat sauvage, j'aurais fait n'importe quoi, besoin ou pas. Une vraie merveille. Le steward portera votre valise dans votre cabine. Je pense qu'il est préférable que vous vous rendiez sur le pont pour diriger la manœuvre du départ. Puis-je savoir par pure curiosité où nous allons? En Chine. Mmh. Algésiras, Espagne, cap sur Hong Kong, Chine. Belle balade pour un loup de mer dont toute l'expérience se limite à un tour de canoë sur le lac Winnebago dans le Wisconsin. Et encore là où il avait pied. Heureusement, j'avais pensé à m'adjoindre un collaborateur, un certain Sidney Carton, un type en or et sachant nager, un ancien contrebandier en chômage. J'avais souvent fait appel à Sidney pour différentes opérations dans le secteur méditerranéen. Un vrai truand, en qui on pouvait avoir confiance. À part une tignasse salingue, couleur carotte et un œil de verre, il se faisait remarquer par une rangée d'abominables chicots. Sidney est le seul type que j'ai jamais connu capable de bouffer une tomate à travers une cithare. Born qu'il était, le capitaine Harelem le considérait comme un bienfait des dieux. C'était un navigateur, un vrai, une doublure rêvée. Il s'appuyait tout le boulot tandis que je me promenais dans mon bel uniforme bleu à boutons dorés en essayant de paraître important. Inutile d'ajouter que Sidney ne travaillait pas pour la gloire. Comme j'étais légèrement démuni, je lui avais fait quelques petites promesses. Il faut que tu saches, Sidney, ce yacht n'est pas plus yacht que toi ou moi. Oh, dis, c'est un vrai yacht. C'est pour une vraie croisière de plaisance, il n'y a rien à gratter pour nous. On fait de la contrebande, vieux, je vais te le prouver. Quelle contrebande? L'opium? Sois pas dingue, Harry. T'as déjà vu des contrebandiers qui apportaient de l'opium en Chine? Nous faisons le demi-tour du monde juste pour le plaisir. Tu parles d'un plaisir? Au fur et à mesure que les jours tournaient, le blablabla que je racontais à Sidney pour le convaincre de ne pas me laisser le bateau sur les bras à Panama finissait par n'être plus du tout du blablabla. Il y avait des punaises dans le beurre, j'en étais sûr. Et j'ouvrais l'œil. Harry, vous êtes occupé? Pas du tout, je surveille notre cap. Et que puis-je faire pour vous être agréable? M'embrasser. Ah, c'est toujours une joie pour moi. Pourquoi avais-je été engagé à la légère? Pourquoi avions-nous à parier si précipitamment? Et surtout, qu'était-il advenu du véritable capitaine? Tout cela était assez singulier. N'empêche que j'avais menti à Sidney en lui affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une croisière de plaisance. Tout le plaisir était pour moi, parole d'homme. Harry! Chérie? Que fais-tu? Je graisse le sextant, chérie. Eh bien, tu le graisseras plus tard. Oh, je me sens si seule, viens. Six jours même, car je me souviens que la lune avait disparu, je fumais une cigarette sur le pont. Harry! Harry! Encore debout, vieille cloche? Et je veux te parler, Harry. Tu serais mieux dans ton dodo, mon vieux Sidney. Harry, j'ai trouvé. Fallait bien que l'un d'entre nous y arrive. T'as trouvé? Trouvé quoi? Le biscuit, mon vieux. Dans le plancher du pont principal. Et quel biscuit, Harry? J'ai eu plein les chasses. Du tonnerre, mon vieux, du feu de Dieu. Ok, vieux, accouche. Ouais, c'est pas rien, tu sais, Harry. D'abord, il y a le picrate, mais pas la pompe de riz, Harry, hein, du vrai picrate. Des explosifs? Ah, c'est pour se raguer ce bateau jusqu'en Chine d'une seule giclée. Oh, parfait, parfait. Ah, ça, c'est pas la contrebande. Autre chose, Harry. T'as vu la glace de la Rouffe avec l'inscription en cas de danger seulement, hein? Chut, boucle-la. Ça se gâte déjà? Non, j'avais cru entendre. Continue. Ah, bon. C'est comme le capitaine, Harry. Tu sais qui c'était? Non, tu calmes et pas de mélange, Sidney. C'était un officier de marine d'Hitler. Une huile. Un vrai gluant de fumier. L'un des plus grands mecs nazis que c'était. Et tu sais qui? Je m'en fous. Je préfère savoir ce qu'on déménage. Tu vas le savoir. Mais le nom du capitaine, Harry, c'est von Koenigswald. Von Koenigswald? Oui. Mais c'est le nom de Nadia. Dépêche, Harry. C'était son mec. J'ai jamais vu un barnum pareil, je te le dis. Il y a des épines dans la corde à nœuds. Par exemple, si tu prends les explosifs. Non, je te les laisse. Ce que je veux savoir. Quand tu peux toujours te marrer, il sait pas si marrant que tu crois. Les pétards sont motivés, prêts à partir. C'est pas un bateau, Harry, c'est une bombe. Chut. Et tu sais ce qu'on transporte? Ta gueule, on nous écoute. Reste là, je reviens. Hello, Nadia. Oh, impossible de dormir. Quelle chaleur. En effet. Tenez-moi compagnie, Harry. Je me sens si seule. J'ai regagné ma cabine aux aurores. Je n'avais pas la moindre envie de me préoccuper de Sydney. J'étais plutôt fatigué. Je dormais depuis une petite heure quand tout à coup... Hein ? Hey ? Qui est-ce ? Matthews, mon capitaine, votre officier en second. Et alors ? La terre est en vue et nous sommes en direction de... Ne me dérangez pas, demandez à Sydney, il est au courant. Oui, je sais, mon capitaine, mais je voudrais vous parler. Ok, ok. Je vous écoute. C'est au sujet de Carton, mon capitaine. Ben quoi, Carton? Ben justement, je voudrais bien savoir... Je vous comprends pas, Sydney est un navigateur de tout premier ordre et dirigera la manœuvre d'accostage. Je crois bien que non, mon capitaine. Ben, pas de discussion. Je n'ai aucune envie de discuter, mon capitaine. Ben, alors expliquez-vous quand vous aurez fini de tourner autour du pot. Eh bien, je ne sais pas trop comment vous le dire, mon capitaine, mais il est parti. Parti? Oui, mon capitaine. Il a fait entreprendre des recherches. Toutes les recherches possibles, il a fallu se rendre à l'évidence. Monsieur Carton n'est plus à bord. Je n'ai pas encore compris comment nous avons réussi à nous traquer. Premier tintouin, faire en sorte que l'officier en second ne se rende pas compte que je ne fais aucune différence entre une poupe de navire et un sifflet de chef de gare. Et deuxième corvée, éviter que le bateau s'écrase sur un récif, se retourne ou s'offre une fantaisie du même genre. Heureusement, un bateau pilote du port vint à notre rencontre. Il paraît que c'est une habitude. En tout cas, il m'a empêché de me mettre à l'eau et de gagner le quai à la nage. N'empêche qu'il y a un bon bout de chemin de Panama à Hong Kong. Et malgré le plaisir que j'éprouvais en la compagnie de Nadia, je crois que j'aurais abandonné ma situation si je n'avais pu m'entendre avec le jeune Matthews. Je lui montrais un matelas de papier prouvant plus ou moins que j'appartenais à des services secrets. Je lui expliquais d'avoir à me doubler, comme l'avait fait Carton. Et à la sortie du canal, en attaquant le Pacifique, j'avais la situation bien en main. Un autre verre? Non, merci. Garçon, un gin casse-pâte, un seul. Bien, Sahib, un gin casse-pâte. Et j'espère ne pas vous ennuyer. Oh, je vous en prie, continuez, monsieur... Lime, Harry Lime. Mais ce n'est pas sans raison que je vous débite cette longue histoire. Vous comprendrez tout à l'heure. Et qu'était-il arrivé à Carton? Sydney. Personne n'en a jamais rien su. Je passe sur la traversée du Pacifique, une traversée sans histoire, jusqu'à notre arrivée en Chine. À moins que vous ne soyez particulièrement intéressé par les yeux jaunes de Nadia. Voici votre gin casse-pâte, Sahib. Merci. À votre santé, cher monsieur. Et von Koenigwald, le mari? Ah, on est bien, on est bien. Le temps d'avaler un verre. Ok. Nous arrivâmes à Hong Kong à la fin mars. J'avais appris les grandes lignes du comportement d'un capitaine à bord, mais je ne me faisais aucune illusion sur mes papiers. Déjà, j'avais eu quelques inquiétudes à Tahiti et je me disais que les autorités britanniques ne s'y laisseraient pas prendre pour peu qu'on les ait prévenus par radio. Mais de toute façon, j'ignorais toujours le but de notre voyage. Sydney, avant sa disparition, ne m'avait pas renseigné sur notre cargaison. Ma curiosité l'avait emporté. Et c'est pourquoi j'étais resté à bord. Mon capitaine, une fenêtre vient sur nous à tribord. Ce ne peut être le pilote, il est déjà là. Peut-être la police du port, mon capitaine. Ouais, pourquoi pas. Non, cette vedette m'appartient. Jetez l'ancre, Matthews. Ah. Le capitaine et moi, nous devons partir immédiatement. Nous partons? Mais où, ma chérie? Ah, je déteste cette familiarité. Ok, ok, Nadia. Mais vous, vous ne m'avez pas répondu. J'en ai tout le temps en route. Nous avons remonté la rivière de Hong Kong pendant une bonne demi-heure avant que Nadia ait pris la décision, derrière son joli front, de m'adresser la parole. Harry, nous allons rencontrer un homme très important. Vous connaissez certainement son nom, le général Wei. Chinois ? Oui. Le général Wei était gouverneur des plus importantes provinces du Sud. Bien entendu, c'était avant. Où le rencontrerons-nous ? Je ne pense pas que le secteur soit particulièrement sûr pour lui en ce moment. Le général nous attend sur une jonque. Une quoi ? Une jonque, un bateau du pays. J'espère que vous êtes en appétit, car on nous a certainement préparé un festin. Vous voulez dire que nous avons fait le tour du monde pour dîner avec un général chinois ? Harry, vous avez été mêlé à une très importante mission. Et avant de rencontrer le général, je dois vous dire la vérité. C'est également mon avis. Le général projette de remettre la main sur les provinces perdues. Cet homme riche avait heureusement réalisé de fructueux investissements à Tanger. Il m'a chargé de lui apporter une partie de ses richesses qui vont constituer son trésor de guerre. Je pense que vous devinez ce qu'il est advenu du baron von Königwald. Oh, j'imagine. Je pense que le baron était marié et que sa noble épouse l'a prié d'oublier de respirer. Je me trompe, chérie? Je vous en prie, appelez-moi Nadia. Ok. Je pense que Nadia l'a prié d'oublier de respirer. Et c'était un homme dévoré de désir. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il projetait de s'emparer de cet or. De l'or? Oui, Harry, des briques d'or achetées à Tanger. C'est pourquoi je ne vous ai pas parlé plus tôt. Il ne faut pas tenter le diable. Le bateau est bardé d'or. Plus de 200 millions. Vous connaissez ces bateaux Shintok qui sont un compromis entre un galion espagnol et un bazar flottant, hein? Bon. Nous approchâmes rapidement du plus grand, du plus fastueux. Réception à bord, en fanfare, avec tout le salamalek oriental. J'en déduis que nous allons être reçus par sa pomme, le général lui-même. Nadia. Oui, Harry. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Peu importe le prix que le vieux paye pour l'or que vous lui apportez, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes appuyé toute la traversée du Pacifique. Vous m'en auriez parlé plus tôt, je vous faisais faire un marché épatant au Mexique. Mais non, Harry, je ne songe pas aux bénéfices. Chut, et voici. Nadia, je te souhaite la bienvenue. Que le ciel vous bénisse, votre grandeur. Tous mes remerciements. Ah, excusez-moi, mes amis, mais si je vous dérange... Hein? Général Wei, Mr. Harry Lime, Harry... Permettez-moi de vous présenter mon père. Sans doute avez-vous déjà entendu parler des ailerons de requin et de la soupe au nid d'hirondelle, mais comment imaginer qu'un banquet chinois puisse se prolonger pendant 7h30? Eh bien, ce fut notre cas et nous n'avons pas cessé de dévorer. Une goutte de vin de riz, capitaine Lime. Je crains d'en avoir déjà trop bu, mon général. Et bien que ma question puisse vous déplaire... Laissez-moi vous demander si Nadia est réellement votre fille. Elle est mon unique enfant. C'est singulier. Elle n'a rien d'une chinoise. En effet, et sa mère était une russe, chassée par la révolution. Je l'ai rencontrée à Chifu et j'ai commis l'erreur de l'épouser. Nadia, elle, n'est pas une erreur. Elle est mon joyau. Le plus précieux, monsieur Lime. Et je vous remercie d'en avoir si attentivement pris soin. Père, regardez, je vous en supplie, regardez, père. Qu'arrive-t-il, mon enfant? Il a disparu. Le bateau, il a disparu. Prenez la vedette! Mais qu'est-ce qui se passe? Le bateau, Harry. Notre bateau chargé d'or a disparu. Tandis que nous passions notre temps à nous goinfrer, quelqu'un avait escamoté le yacht. Des premières informations recueillies, il descendait la rivière vers la pleine mer. C'est ma faute, c'est ma faute. Mais pourquoi votre faute, Nadia? Ce Mathieu, l'officier en second, je n'aurais pas dû lui faire confiance. Je devrais jamais faire confiance à personne. À force de poignarder tous vos officiers et de les flanquer par-dessus bord, vous aurez rapidement un équipage restreint. Le voici. Oh là! Nadia, quel est le nom de votre bateau? La Toison d'Or. Oh là! La Toison d'Or! Tirez de bord et préparez-vous à nous recevoir. Vite, Harry. Mais vite. Le moteur est presque débiné. Oh là, la Toison d'Or, c'est votre dernière chance. Tirez de bord ou nous ouvrons le feu. Pas pressé de répondre. On va leur apprendre la politesse. Feu. Nous avions embarqué une bande de types avec des sales gueules en lames de couteau, des durs, armés de mitrailleuses et qui savaient s'en servir. Quelques instants plus tard, nous abordions le yacht dont l'équipage avait drôlement dérouillé. C'était pas mon équipage, c'était des Chinois. Allons-y, à l'assaut! Mon général, êtes-vous blessé? Oh, ce n'est rien, capitaine. Donnez-moi votre bras. Ok. À peine étions-nous sur le pont qu'une espèce de mongole grimpée dans les haubans amorce une grenade, la lance sur notre vedette et... Tout le monde auprès de moi! C'est vous, Nadia? Oui, c'est bien Nadia. Hein? Von Koenigwald? Comment c'est vous? N'ayez pas peur, Nadia, je ne suis pas un fantôme. La chance a voulu que je ne sois pas tout à fait aussi mort que vous l'auriez désiré quand vous m'avez jeté par-dessus bord. Vous avez oublié que je suis un excellent nageur. Haut les mains, tous les trois! Comment êtes-vous venu ici? Par avion. Je connaissais votre parcours. Et il m'a semblé que c'était le moyen le plus sûr de ne pas vous rater. J'ai attendu Hong Kong et je vous ai attendu. Et maintenant? Je vais faire aux autres ce qu'ils aimeraient me faire, capitaine. Si vous vous souvenez d'une quelconque prière, c'est le moment de la réciter. Et vous deux aussi. Je suis blessé, Koenigwald. C'est un moribond qui vous parle. La vie n'a plus d'importance pour moi. Mais Nadia... Non, Pierre, non. Je ne vous abandonnerai jamais. Tout ceci est grand et noble, mais je me demande ce que je suis venu faire dans cette galère, moi. C'est vrai. C'est vrai. Hans, cet homme n'a rien à voir dans nos querelles. Donnez-lui sa chance. Il est au courant de la cargaison de ce navire. C'est un secret que je préfère conserver pour moi seul. Il sait aussi autre chose, n'est-ce pas, Harry? Vous vous souvenez des révélations de Carton dans la nuit où je l'ai tué? Que voulez-vous dire? Cette vitre ici, sous ma main. Carton vous a expliqué, j'ai tout entendu. Cette vitre avec l'inscription « En cas de danger seulement ». Souvenez-vous, Harry, ce n'est pas un bateau, c'est une bombe. Merci, Nadia. Dieu vous bénisse. Au revoir. Tuez cet homme! Inutile, Hans. C'est également un excellent nageur. Au revoir, Harry! Mon enfant. Père, vous m'avez donné cette bague aux armes de notre famille, voyez. Voyez, je n'ai jamais cessé de la porter. Elle me permettra aujourd'hui de briser le panneau de verre. Au revoir, Harry! Stupide. Il est bien trop loin pour vous entendre. Il entendra ceci. Un sans-pain me recueillit, mais j'ai quand même failli perdre pied à force de penser à tout cet or. À plus de 200 millions au fond de la flotte. Un autre Jean Caspat? Non merci, monsieur Lime. Eh bien, voici mon histoire et c'est maintenant que ça va vous intéresser. Je connais l'endroit exact où le bateau a coulé. J'ai fait des repères sur la carte. Avec une petite dizaine de millions, on peut mettre sur pied une affaire de renflouement. Hein? Ça laissera un sacré bénéfice. Si par hasard, une combine de ce genre ne... Hein? Monsieur Lime, vous paraissez ne pas savoir qui je suis. Absolument pas. Je suis le Lord Constable et chef de la police de cette colonie. Nous avons un dossier très complet sur vos activités. Et si je vous ai laissé raconter votre petite histoire, c'était uniquement pour connaître vos méthodes de travail. Lime, je suis étonné de vous voir choisir un policier comme victime de ce vieux coup du trésor, l'une des escroqueries les plus classiques. Bonne nuit. Et un bon conseil, vous feriez beaucoup mieux de ne pas vous éterniser dans cette ville. Pas plus de 24 heures. À bon entendeur, salut. Et salut. Encore un Jean Caspat, Sahib? Ah non, non, l'addition. Vous devinez maintenant pourquoi je n'aime pas beaucoup raconter cette histoire. Chaque fois que je trouve un auditeur, je tombe sur un flic. Mais là n'est pas le pire. Le pire, c'est que cette histoire, qui ne paraît pas vraie, est authentique. À bon entendeur... La radiodiffusion française vous a présenté La Toison d'Or, le deuxième épisode des aventures de Harry Lime, une émission d'Orson Welles, adaptée et traduite par Maurice Bessy. Harry Lime, Jean Servais. Son interlocuteur, François Chaumette. Un barman, Jacques Bénétin. Nadia, Jeannie Holt. Soldadito, Jean Topard. Sidney Kerton, Jacques Dufilot. Matthews, Jean-Claude Michel. Général Veille, Valérine Kijinoff. Et le baron von Königwald, Marcel Lestang. Musique de sitar, écrite et interprétée par Anton Karas. Mise en onde, Jean Chouquet. Cet épisode des aventures de Harry Lime a été diffusé pour la première fois sur Paris Inter le 24 octobre 1951. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Before it's too late, my love, get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to the farm and be contented to charm the birds off the trees? Just disappear. I care for you much, too much. And when you're near, so close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Darling, it's getting me down. On your mark, get set, get out of town. Getting me down. On your mark, get set, get out of town.